Alouette. Nouveauté. Nouveauté. Rouler la nuit entière aux portes du désert, à la frontière de nos interdits. Ça fait bien plaisir de ressortir les lunettes de soleil. Bon lundi avec Alouette dans tout le Grand Ouest. On écoute Christophe Willem, Kaigo. Ce sera après David Kochner et les infos. Alouette, il est tout pile midi. Alouette, les infos. Et nous retrouvons Denis Lebars. Bonjour Denis. Bonjour Nico, bonjour à tous. Une nuit apparemment calme dans le quartier de Beaubreuil à Limoges. On craignait de nouvelles violences après l'accident de scooter de samedi soir. Accident qui, rappelons-le, a fait 2 morts. Le pilote, mineur de 17 ans, a voulu échapper à un contrôle de police. Il a pris la fuite avec son passager avant de brûler un feu rouge dans un carrefour. Le choc avec une voiture occupée par un père de famille et ses 2 enfants a été terrible. Le procureur a ouvert 2 enquêtes, l'une pour refus d'obtempérer aggravé et l'autre pour homicide involontaire. Le maire de Limoges avait lancé un appel au calme hier. En Vendée, un homme de 37 ans mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite hier. Une info de Ouest France ce matin. Cet homme a été interpellé vendredi dernier près de Fontenay-le-Comte à Longèves. Ce conducteur est soupçonné d'avoir renversé et provoqué la mort d'une cycliste jeudi matin côté Charente-Maritime près de Maran. Il avait donc pris la fuite. C'est un appel lancé par les gendarmes qui a permis de l'identifier. Une confirmation, la SNCF envisage l'ouverture de nouvelles lignes Ouigo dans l'Ouest. Les Ouigo, rappelons-le, ce sont des trains moins chers que les TGV, mais plus lents et sur les mêmes lignes. Des liaisons existent déjà entre Nantes et Paris. La SNCF souhaite ouvrir deux nouvelles lignes, Rennes-Paris et Bordeaux-Paris. Le sport en foot, le dernier match de la première journée de Ligue 2 ce soir, un derby d'Aquitaine entre Pau qui accède à la Ligue 2 et Bordeaux qui a manqué de peu le retour en Ligue 1. Et c'est aussi du sport, des championnats insolites ce week-end. Et oui, il y avait notamment l'incontournable championnat du monde de cracher de bigorneau. Ah. Dans le Finistère, à Sibiril, c'est très connu, Nico. Oui. C'est un Auvergnat de 52 ans qui a remporté le titre avec un crachet à 8,15 m. Ah, c'est pas mal. Et puis en Gironde, Lacano accueillait ce week-end le mondial de lancer de tong. C'est très technique, ah, il faut lancer ça, le tong avec le pied. Ah, oui. Le meilleur score de la journée, 23,07 m, c'est pas mal. Génial. Et puis comment ne pas évoquer le championnat du monde de Molki qui se tenait en Finlande. Nous en parlions la semaine dernière. Le club de Saint-Macaire en Mauges présentait deux équipes et l'une des deux équipes est terminée dans le top 8 en quart de finale. C'est bravo à eux. Pas bien. Alouette, la météo. Bon, Denis, enfin une semaine estivale. Oui, ou quasi estivale. Ça commence par de belles apparitions du soleil aujourd'hui, cet après-midi, mais avec des températures maxi de 19 à 23 degrés sur nos régions. C'est pas encore tout à fait ça. Les températures de saison, ce sera plutôt pour mercredi avec des maxi autour de 25 à 26 degrés. Chaud, mais pas trop. Bon, c'est parfait pour m'essayer un peu à la tong, le lancer de tong, j'aime bien. Le lancer de tong. Plus de 23 mètres. Allez, c'est mon objectif. Merci, Denis. Plus d'infos à alouette.fr et l'application Alouette. Alouette. encore et toujours plus. Toujours plus de hit. De hit. La la la.

you talking, I go dead. Shut your mouth, give me your head. Jouez maintenant à Destination Vacances sur Alouette. Allez, peut-être pour vous, un séjour pour 4 direction Planète Sauvage. On va jouer puisque nous avons une auditrice avec nous au téléphone et nous avons Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Nico. Bienvenue sur Alouette Françoise. Merci. Vous allez pouvoir faire avancer les recherches grâce à votre question. Mais juste avant, comme vous présentez, vous êtes dans le Morbihan entre Lorient et Vannes, assistante maternelle. Mais est-ce que vous avez des enfants ou est-ce que vous êtes en vacances? Je suis en vacances. En vacances, très bien. Donc vous profitez tranquillement à la maison. Voilà. Bon, avec Alouette, Françoise, on écoute votre question pour faire avancer les recherches pour trouver Destination Vacances. Alors, est-ce que le lieu de Destination Vacances est un lieu de pèlerinage? Un lieu de pèlerinage, non. Ah. Non, ce n'est pas un lieu de pèlerinage, Françoise. Merci beaucoup pour cet indice que vous nous donnez quand même. Ok. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir. À bientôt. Et on va enchaîner avec une autre auditrice. C'est Véronique qui est en Vendée. Bonjour Véronique. Bonjour Nico. Véronique, vous êtes au boulot, vous, ou en vacances? Au travail pour le moment. Je suis secrétaire indépendante pour le particulier et les entreprises. D'accord. Ah, ça veut dire que vous travaillez peut-être à la maison alors? Oui, voilà, je travaille de la maison. Ok, télétravail. Voilà. Avec Alouette pour vous accompagner. Et ça, c'est gentil. Tout à fait, tous les jours. Bon, on cherche un lieu, quelque part en France. Hein, c'était le gros indice de la semaine dernière. Alors, on sait que ce n'est ni en Corse, ni en Bretagne. Ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à la montagne. Grâce à Françoise, on sait que ce n'est pas non plus... c'était où? Un lieu de pèlerinage, voilà. On écoute maintenant votre question, Véronique. Alors, je voulais savoir si ça se trouvait dans le Cantal. Et dans le Cantal, non. Non, on peut éliminer aussi le Cantal. Merci beaucoup, Véronique. Merci, bonne journée. Belle journée à vous aussi. À bientôt. 0-820-90-9000. 0-820-90-9000. Vous aussi, vous faites avancer les recherches. On cherche un lieu et vous gagnez votre séjour pour 4 direction Planète Sauvage. On joue à Destination Vacances tous les jours entre 10h et 13h. Dans un instant, les infos. Ce sera juste après Calogero et Marie Poulain. Le hall des départs sur Alouette. Ceux qui restent sont toujours tristes. C'est comme de rester là, à regarder partir. Le protagoniste, c'est le hall des au revoir. Je sais qu'il faut que tu t'en ailles, mais attends encore qu'on se regarde en détail. Dans le hall des arrivées, quelque chose de sacré. On attend le cœur battant, les grands pas se rapprochant. C'est le hall des retrouvailles, là où le temps s'arrête, où le désir s'emballe. Je ne sais jamais trop où me mettre. Bientôt on se rapproche de l'arrivée ou du départ. Bientôt on sera loin, pour ça on est toujours en retard. Bientôt on se rapproche ou loin. Dans le hall des départs, j'affiche toujours un sourire triste. J'ai déjà hâte de te revoir, mon très cher protagoniste. C'est le hall des mouchoirs. On pense toujours un peu au pire, plus que de simples au revoir. Ce sont des je t'aime quoi qu'il arrive. Dans ces halls trop grands, moi je ne vois que toi. Et j'espère en partant qu'en fait tu décides de rester là. Alors pour ton vol, pancarte à la main qu'on rigole, pour ne rater aucun de nos câlins hollywoodiens. Bientôt on se rapproche. soir. Provisoire. Restez sur Alouette, la radio de vos vacances, la radio qui vous offre aussi vos sessions de jet ski. C'est cool ça, on en parle très vite après Ria Beina et les infos maintenant. Il est midi et demi. Alouette, les infos. Les infos, c'est avec Denis Lebars, bonjour. Bonjour à tous, l'appel au calme du maire de Limoges a semble-t-il été entendu dans le quartier de Beaubreuil la nuit dernière. Il faut dire aussi que les forces de l'ordre avaient été mobilisées. On craignait de nouvelles violences après l'accident de scooter de samedi soir, accident qui, rappelons-le, a fait 2 morts. Le procureur a ouvert 2 enquêtes pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident. Sur la route, toujours, cet autre drame hier soir au Sable d'Olonne. Une mère de famille et ses 2 enfants ont été percutés par une voiture sur l'un des boulevards de la ville, le long de Port-Olona. Le conducteur du véhicule aurait été ébloui par le soleil. La jeune femme âgée de 34 ans a été grièvement blessée, héliportée vers le CHU de Nantes. Et ses 2 enfants de 4 et 6 ans, blessés eux aussi, mais moins lourdement, ont été hospitalisés au CHD de La Roche-sur-Yon. Et des cyclistes verbalisés par la police hier à Nantes. Oui, des cyclistes un peu particuliers toutefois. Ils souhaitaient circuler nus dans les rues de la ville. Nous vous en parlions la semaine dernière. Il s'agissait d'un rassemblement à l'appel d'une association naturiste et écologiste. Ils ont décidé de maintenir les autres rassemblements prévus demain à La Rochelle et jeudi à Bordeaux. C'est finalement aujourd'hui que le tribunal administratif de Poitiers doit se prononcer sur l'arrêté anti-marginaux à Angoulême. Cet arrêté municipal pris mi-juillet interdit, rappelons-le, de rester couché ou assis dans certains secteurs de la ville pour ne pas entraver la circulation des piétons. Une décision contestée par la Ligue des droits de l'homme qui a donc saisi la justice. L'été des festivals, encore de nombreux rendez-vous ce week-end dans le Morbihan. 28 000 festivaliers enregistrés au Pont du Roc à Malétroit. Ils étaient 38 000 ce week-end en Touraine à Yzeure-sur-Creuse. Le prochain festival de l'été, c'est le festival d'Arc, ces prochains jours à Châteauroux, avec notamment Kenji Girac, ce sera mercredi. Retrouvez la météo sur Alouette avec les volailles de Chaland, volailles des champs. Après la grisaille et la pluie, le retour du soleil, mais de façon très progressive. De belles éclaircies et des passages nuageux cet après-midi. Une météo somme toute assez agréable, mais pas très chaude, entre 19 et 22, 23 degrés pour les maxis de Brest à Bordeaux cet après-midi, en passant par Angers. 1 à 2 degrés de plus demain et 4 à 5 degrés de plus mercredi. Ça va dans le bon sens. Voilà, l'été commence. C'est le plaisir. Merci beaucoup, Denis. Plus d'infos à alouette.fr et l'application gratuite Alouette. En vacances, on a envie de cuisiner simple. Simple, mais bon. Alors choisissez une bonne volaille de Chaland. Une viande tendre et goûteuse à déguster en brochette, grillade ou en émincé. Cet été, donnez des ailes à vos envies de simplicité. Volaille de Chaland, volaille des champs. Allez, bonne journée, Nico. Merci. Till the morning, I hear my body calling. So keep the party rocking all night, baby. Or we can skip the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body? Coming in so, so hot. Loving it, no, no stop. Another round, round. We double down, down. Bittersweet, bittersweet, one more shot. Let me see what you got. I want it right now, yeah. Baby, I want you so. Won't you come rock my body, body, body. Won't you come rock my body. Just breathe it in. Another rush is kicking in. Under the lights, I feel you near. I want you close, I want you here. It's in the air, it's in the air. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling. So keep that party rocking all night. keep the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body? Grand Ouest, vous écoutez Alouette. Alouette, toujours plus de hits. Alouette. Et retour du beau temps, retour du soleil. La météo est juste parfaite pour faire du jet ski. Oui, une belle activité pour vous faire plaisir là sur la côte atlantique. En pleine mer, vous pourrez faire de belles sessions de jet ski. Vous jouez tout à l'heure au duel sur Alouette, ce sera avec Arnaud. Vous jouez entre 16h et 19h. À vous d'identifier les hits Alouette. Ce sera en deux manches et une finale. On vous souhaite donc bonne chance pour tout à l'heure. Le duel 16h-19h pour des sessions de jet ski. Ça, c'est cool. Et ça, c'est cool aussi. Toujours plus de hits avec Slimane Clos de Capéo dans un instant. Juste après, Aden Foyer sur Alouette. Trois questions, 150 euros chaque semaine. C'est le quiz de l'été sur Alouette. Alouette. Inscrivez-vous sur alouette.fr et testez vos connaissances. Vous avez les trois bonnes réponses. Super. Génial. Si Alouette vous appelle en direct le vendredi entre midi et 13h, décrochez. Oui, bonjour. Et gagnez 150 euros cash. Le quiz de l'été, 150 euros gagnés en s'amusant, c'est ça les vacances avec Alouette. Passer son diplôme, se poser des questions, se chercher, chercher des solutions, rencontrer les bonnes personnes, découvrir l'armée de terre, être prêt, s'engager.

take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn. Kiss me the way that you would if we died tonight. Beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would. Bon début de semaine en écoutant Alouette, c'est Lola, j'espère que tout le monde va bien, on va être ensemble une partie de l'après-midi. Et pour commencer en beauté, on écoute Kungs, Purple Disco Machine et Mentissa, il est 13h. Sa bohémienne, elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût! Ce mot dans sa poche, elle l'a compris d'un coup. Mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup. Un animal, est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile, empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi. Shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life I'm watching America. All my life there's panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life there's panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. There's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, yes, I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me, say you'll be here.

Maybe I only brought you down, but oh my love, I wanna say I miss the grin in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. But oh my love, oh, oh, oh my love, oh, oh. Wish I could say it's something I really mean, that I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. C'est déjà sur Alouette. C'est nouveau. C'est déjà sur Alouette. Alouette. Je suis totalement moi quand je suis à moitié moi. J'accumule les soirées, je ne les lis plus au matin. Je peindrai le ciel avec le rouge de ton cœur. Je remplirai la mer avec le goût de mes pleurs. Je suis en enfer et contre toutes. Dans mes souvenirs goûte à goutte, les murs m'appellent à m'en redoute. Et même à Paris, au mois d'août, mes mains pleines de caresses sont de la peine et se dessèchent. Quand je t'aime, je suis en carence, mes songes saignent sans vingt. Je sais pas comment te le dire, j'ai beau me l'interdire. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai un crush sur toi. Mon cœur accroche sur toi et tu ne le sais même. Fais contre toi. La distance est un témoin. Que tout est une fiction. Les besoins de maître. Je retourne le monde et je vagabonde. Allez, ton être m'obsède. Sous ma gorge brûle une forge qui me donne à t'aimer jusqu'en enfer. Coup Jupiter, faut qu'il s'abrège. Faut qu'il s'abrège. J'ai pas le miroir qui est sale, c'est le reflet de mon âme. Dans une rafale, je ne dis plus qu'en image. Je sais pas comment te le dire, j'ai beau me l'interdire. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai un crush sur toi. Mon cœur accroche sur toi et tu ne le sais même pas. Je n'attends rien de toi, t'habites trop loin de moi. Mes désirs fait contre toi. La distance est un témoin, captif d'une fiction. Les besoins de l'été. Je retourne le monde et je vagabonde. Allez, ton être m'obsède. Je m'y accroche encore. C'est mon seul réconfort. J'ai un crush sur toi, mon cœur accroche sur toi. Et tu le sais même pas. Je n'attends rien de toi, t'habites trop loin. Fais contre toi. La distance est un témoin. Captif d'une fiction. Les besoins d'un maître. Je retourne le monde et je vagabonde. Allez, ton être m'obsède. J'ai un crush sur toi. Mon cœur accroche sur toi. Et tu ne le sais même pas. Je n'attends rien de toi. T'habites trop loin de moi. Mais le tir fait contre toi. Alouette. Alouette. Alouette. Alouette. Color me your car. Color me your car. à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Un message, mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce t'attends? Ça me fout la rage. Hey boy, staring at the sky, and I see you. Oh, j'aimerais t'en serrer dans mes bras. Là. Pam pam padam pam da da dam da dam da dam. Pam pam padam pam da da dam. Un étranger, j'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt meurt. I was focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama love her, call my baby sister. Shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Cause this life is one big symphony. Skipping rope, keep going. Find a solace in the note, do. Had the struggle when I was broke, so low. Write a music just to cope, no hope. Yeah, life is just perspective, laughing when you wrecked it, smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play, you sang all the way. Doesn't matter how off key, if you did it, you win. This life is one big symphony. If I played you the flute, see it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone, it feels more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth. Been a hard year, lucky the guitar is here. This life is one big symphony. This night is one for you.

will never bend, and I will never hide anymore. Les vacances avec Alouette. Alouette. C'est tellement mieux. Cette chanson pendant l'été 2010, il y a 13 ans déjà, c'était Ease sur Alouette. Non-stop musique. Alouette. Bel été, bonnes vacances dans le Grand Ouest. Avant 14h, on écoute Dua Lipa, le duo Benson Boone et Philippine Lavray. Et tout de suite, Pink sur Alouette. Where else far away? Well, you know what they mean, and they mean.

Merci de passer l'après-midi avec Alouette. Avec le retour du soleil dans le Grand Ouest, ça fait plaisir. On écoute dans un instant Pierre Demar et Vita juste après Laurine. Il est 14h sur Alouette. Plus de hits. De hits. Comme un morceau de verre que le temps a poli. On traverse les épreuves que le ciel nous choisit. Sur les bancs de l'école, les souvenirs restent. Un sourire, une odeur, une cicatrice, un geste. for the broken hearted.

manouvellevoiture.com. Chérie, on n'a encore rien réservé pour les vacances. Et on n'a pas encore acheté notre nouvelle voiture. T'inquiète, pour la voiture, je maîtrise. Avec manouvellevoiture.com, vous maîtrisez tout. Jusqu'au 31 août, pendant le festival de l'occasion, maîtrisez votre budget mensuel à l'euro près et le véhicule de votre choix est prêt à partir. Avec manouvellevoiture.com, je maîtrise. Manouvellevoiture.com. L'occasion, on maîtrise. Au quotidien, prenez les transports en commun. Jade, ma chérie, tiens-toi prête. Une tornade va passer nous prendre pour aller au Futuroscope. Trop génial! On va faire la nouvelle attraction chasseur de tornades. Elle arrive, elle est énorme. Prends ma main, ma chérie, ça va secouer. Mais j'ai pas le temps de faire mes notes. Pas grave, c'est une attraction qui décoiffe. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Vous n'en croirez pas vos cheveux. Chasseur de tornades a été élu meilleure attraction au monde. Accrochez-vous, ça va bouger. Plus d'infos sur futuroscope.com. De Limoges à Vannes, de Guéret à La Rochelle, tout le monde écoute Alouette.